Six. Et puis, deux chemins. Premièrement, un seul, quand on sonne, un seul va ouvrir et appelle des tapis. Les autres continuent leurs occupations. 100 visites imprévues, 0. Elles doivent être prévues.